Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahullah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions vu dans les cours précédents que Pharaon proposa à Moussa alayhi salatu wassalam et son frère alayhi salam une confrontation publique avec ses sorciers. Pensant que Moussa usa de magie, lorsque sa main devint blanche comme l'éclat de la lune ou que son bâton devint un serpent. Il pensait que Moussa allait se ridiculiser devant les plus aguerris sorciers de son royaume et par là même discréditer son message. Moussa alayhi salatu wassalam lui fixa le moment et le lieu en pleine matinée, durant le jour des fêtes, où les gens avaient l'habitude de se rassembler en ce jour. Autant de paramètres qui furent à l'avantage de Moussa alayhi salatu wassalam afin de faire éclater la vérité en plein jour et devant témoins. Cela aura des conséquences notoires sur ce qui va se produire par la suite. Au jour du rassemblement, de cette confrontation, tout le monde était au rendez-vous. Et devant l'ampleur de la situation, les magiciens se concertèrent entre eux et se rappelèrent les uns les autres qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur et qu'ils devaient vaincre et gagner cette confrontation, espérant ainsi garder leurs privilèges et leur place. Ils dirent « Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » C'est un jour décisif où nous devrons avoir le dessus pour garder nos privilèges et notre notoriété. Les hostilités débutèrent sans plus tarder. Et ils dirent « Qalu ya Moussa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, qala bal alqu, fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, fa awjasa fi nafsihi khifatan Moussa, قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. La sourate 20, les versets 65 à 69. Ils dirent « Ô Moussa, où tu jettes le premier ton bâton, où que nous soyons-nous les premiers à le jeter ?» Ils dirent « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Ils demandèrent à Moussa, alayhi salatu wassalam, qui allait jeter en premier le sort. Et Moussa les laissa agir en premier. Ils s'empressèrent de jeter leur bâton de peur que leur subterfuge ne s'efface et ne disparaisse dans le temps. D'ailleurs, cet empressement des magiciens à jeter leur bâton est compris par la particule Iza, lorsqu'Allah dit Jalla wa'ala, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. À savoir que lorsque Moussa leur a dit jeter, ils le jetèrent directement. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Il est dit que leurs bâtons étaient enduits de plantes spéciales qui, sous les rayons du soleil, se transformaient et changeaient d'apparence, de telle sorte qu'on croirait voir en les regardant des serpents en mouvement pour ou ce qui y ressemble. Devant cela, Moussa alayhi salatu wassalam ressentit quelques craintes en lui-même. Cette crainte n'est pas due à un doute sur la capacité d'Allah à annihiler cette magie, mais il appréhenda le fait que les gens puissent être touchés par ce tour de magie et cette illusion, et qu'au final, ce qu'il proposera lui ne se démarquera pas de ce que les sorciers produisirent. Et cela est une crainte légitime. Et comme je l'avais déjà expliqué dans un cours précédent, cette crainte est similaire à celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam juste avant la bataille de Badr, lorsqu'il dit, en implorant Allah, « Allahumma inni as'aluka nasraka wa wa'dak, Allahumma inshita lam tu'bad fil ard. » « Oh Allah, j'implore ton secours et ta promesse. Oh Allah, si tu le souhaites, tu ne seras plus adoré sur terre. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, craignit cela. Qu'il n'y ait plus de croyants adorant Allah, tabaraka wa ta'ala, tout en sachant de manière convaincue que la fin heureuse appartient aux croyants ici-bas et dans l'au-delà. Mais il est clair qu'Allah, jalla wa ala, peut octroyer aux plus grands criminels sur cette terre, pendant un certain temps, la suprématie, les honneurs, le pouvoir, la force. Et ceci, afin qu'ils s'enfoncent dans les péchés et l'égarement. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, La yaghurannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil. Dans la sourate numéro 3, les versets 196 et 197. Que ne te trompe pas la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. C'est-à-dire, que ne te trompe pas leurs agissements, eux qui courent après les richesses de ce bas monde. Mata'un qalil, ce n'est qu'une jouissance temporaire. Autrement dit, cela leur sera donné un certain temps, puis Allah les prendra durement, et lorsqu'Allah prend des gens durement, il ne les rate jamais. C'est de cela dont craignait Moussa, alayhi salatu wassalam. Il craignait que les gens fussent touchés par cette magie dérisoire, par cette magie fausse, et qu'au final, ce qu'il allait proposer lui, parmi les signes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne se démarquerait de leur magie et de leur sorcellerie. Allah sut ce que ressentit Moussa alayhi salatu wassalam à ce moment-là. Et il le rassura. Et il lui dit, n'aie pas peur. C'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Car ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a commenté ces versets et a dit, lorsque les sorciers et les magiciens se mirent en rang, et que leur firent face Moussa et Haroun, ils dirent à Moussa, veux-tu être le premier à jeter ton sort, ou bien que nous débutions? Il leur dit, jetez plutôt. Les magiciens avaient apporté avec eux des bâtons et des cordes qu'ils enduisirent de mercure et d'autres produits qui faisaient bouger ces bâtons et ces cordes en donnant l'impression à celui qui les regarde qu'ils rampaient tout seuls, alors que ce sont ces produits-là qui les faisaient bouger. Ainsi, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, c'est-à-dire qu'ils jetèrent dans leur cœur l'effroi et la peur. Ils jetèrent leurs bâtons et leurs cordes en disant « وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ » Sourate 26, verset 44. « Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. » De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala « قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ » Sourate 7, verset 116. « Jetez, dit-il. » Puis lorsqu'ils eurent jeté leurs bâtons, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même, c'est-à-dire qu'il craignit que les gens ne se laissent séduire par leur magie et leurs artifices avant qu'ils ne jettent ce qu'il avait dans sa main. Car ils ne pouvaient rien faire sans avoir reçu l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le Seigneur lui révéla alors à ce moment terrifiant, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Innaka antal a'la. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué, car ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. » À ce moment, Moussa jeta son bâton en disant, « Qala Moussa, ma jittum bihi sihr. « Inna allaha sayubtilu, inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin, wa yuhiqu allahu al-haqqa bi kalimatihi, walau kariha al-mujrimun » Sourate 10, versets 80 et 82. « Ce que vous avez produit de la magie, Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que les fauteurs de troubles et de désordre font sur terre. Et par ses paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Sourate 7, versets 117 à 122. Et nous révélâmes à Moussa, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se prosternèrent devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils se jetèrent prosternés et ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moussa et Haroun. Comment expliquer ces versets coraniques? Ce retournement de situation, chose que Pharaon n'avait jamais prévue et qu'il n'avait même pas anticipé. Jamais il ne lui traversa l'esprit que ces magiciens allaient se prosterner devant Allah, tabaraka wa ta'ala, en l'espace de quelques instants. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala annihile le faux et manifeste la vérité. Lorsque Moussa alayhi salatu wa salam jeta son bâton, il se transforma en un serpent gigantesque, doté de pattes, comme le rapportaient de nombreux savants parmi les pieux prédécesseurs, et d'un coup immense, sous une forme terrifiante. En le voyant, les gens prirent peur et s'enfuirent. Le serpent se dirigea vers les corps des bâtons que les magiciens avaient jetés, et il les avala l'un après l'autre, à une vitesse extraordinaire. Les gens regardaient ce spectacle et furent stupéfaits. Quant aux magiciens, cela les terrifia et les déconcerta, car jamais ils n'avaient vu ni imaginé une telle chose. Et cela ne correspondait pas à ce que eux pouvaient pratiquer et pouvaient faire. Ils réalisèrent, d'après la science qu'ils possédaient, que cela ne relevait aucunement de la magie, de l'illusion, de l'invention, du mensonge ou de l'égarement. Bien au contraire, cela ne pouvait être qu'une vérité produite par celui qui est la vérité et qui a envoyé cet homme assisté par la vérité, Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, Allah retira de leur cœur le voile de l'insouciance, les éclaira de la guidée et éloigna la dureté de leur cœur. Ils revinrent vers leur Seigneur et tombèrent prosternés devant lui en disant à voix haute dans l'assistance, et sans craindre quelque châtiment ou tort, nous croyons au Seigneur de Moussa et Haroun. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, et les magiciens se jetèrent prosternés, et ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moussa et Haroun. Cette parole qu'ils dirent à voix haute est une preuve que la foi est réellement rentrée dans leur cœur, et ils ne craignirent aucune conséquence néfaste de Pharaon. Alors que avant cette confrontation, il était inimaginable qu'il puisse dire une telle parole, par crainte des représailles de Pharaon. Et vous voyez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comment Allah introduit la foi dans le cœur d'une personne. قال الله جل وعلا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Dans cette même sourate numéro 20, les versets 71 à 76. Alors Pharaon leur dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la sorcellerie et la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées et vous ferai crucifier au tronc des palmiers et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir accompli de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Saïd ibn Jubair, Ikrima, Al-Qasim ibn Abi Burda, Al-Awza'i et d'autres ont dit que lorsque les sorciers se sont prosternés, ils ont vu leur rang et leur palais au paradis préparé pour eux, embelli pour eux et prêt à les accueillir. Et c'est pourquoi ils n'ont pas fait ou ils ne prêtèrent aucune attention aux menaces de Pharaon et ses intimidations. Lorsque Pharaon vit les magiciens embrasser la foi et propager l'appel de Moussa et de Haroun de si belle manière parmi les gens, il leur fit peur, ou il prit peur d'abord et les menaça. Il prit peur de quoi? Il prit peur et vit ce qui le stupéfia et aveugla son cœur et sa vue. Il était déjà plein de ruses, de fourberies, de tromperies et de subterfuges habiles pour obstruer aux gens la voie d'Allah. Alors il dit aux magiciens, en présence des gens, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise ?» Autrement dit, « Pourquoi ne m'avez-vous pas consulté avant de faire une chose terrible devant tous mes sujets, devant tous mes administrés, devant tous ceux qui sont sous ma tutelle ?» Ensuite, il les intimida, les menaça et se mit dans tous ses états contre eux en mentant et en disant « C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. » Regardez l'argument qu'avance Pharaon, qui en réalité était dépourvu d'arguments, à court d'arguments. Alors ce qu'il a trouvé à dire était de dire que Moussa était celui qui leur avait enseigné la magie. Il dit dans un autre verset, « Inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati li tukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun » Sourate 7, verset 123. « C'est bien là un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. » Il est clair que ce qu'il déclara était un mensonge duquel toute personne sensée pouvait voir la mécréance, le mensonge et le délire, et même des enfants n'auraient pas dit une telle parole. Car tous les gens du royaume et d'ailleurs savaient que Moussa n'avait jamais rencontré ces magiciens auparavant. Alors comment aurait-il pu être leur chef et comment aurait-il pu leur enseigner la magie? De plus, ce n'est pas Moussa qui les a rassemblés dans ce moment-là, à cet instant-là, durant ce jour de fête. Mais c'est Pharaon qui les a fait venir de toutes contrées éloignées d'Égypte, des villes et des campagnes. Allah tabaraka wa ta'ala va nous relater de manière précise et de la manière la plus éloquente ces événements et ce qui va suivre. Allah dit tabaraka wa ta'ala « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ce sont les versets 103 à 126 de la sourate numéro 7. Écoutez bien. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moussa avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moussa dit, « Oh Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. » Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton, et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main, et voilà qu'elle était blanche éclatante, pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon dirent, voilà certes un magicien aguerri et chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Alors que commandez-vous ? Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans toutes les villes d'Égypte, qui t'amèneront tout magicien averti, aguerri, chevronné. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ? Ils dirent, oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent, ô Moussa, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une magie puissante. Et nous révélâmes à Moussa, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés et dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moussa et de Haroun. « Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette ?» dit Pharaon. « C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper les mains et les jambes opposées, et puis je vous crucifierai tous. » Ils dirent, « En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô Seigneur, déverse sur nous l'endurance et la patience et fais-nous mourir entièrement soumis. » Il y a des versets similaires qui rapportent ces faits dans Sourate Shu'ara, Sourate numéro 26, la Sourate numéro 10 que nous avons citée en début du cours, et la Sourate numéro 10, Sourate Yunus Afwan, la Sourate numéro 20 que nous avons citée en début du cours, et la Sourate 26 Shu'ara. Après tout cela, l'imam Ibn Kathir conclura et dira « Le sens voulu ici est que Pharaon renia les signes, mentit et mécrut de la manière la plus manifeste en disant « C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Il a usé de calomnies connues des savants et même de tout le monde. Comme Allah dit à Baraka wa ta'ala, en reprenant ses paroles, c'est bien là un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. » Vous allez bientôt savoir. Il dit ensuite, je vous trancherai les mains et les jambes en ordre croisé, c'est-à-dire la main droite et le pied gauche et inversement. Et je vous crucifierai tous. Ceci afin qu'ils servent d'exemple pour ceux qui seraient tentés de suivre leur voie parmi ses administrés, parmi ceux qui sont sous sa tutelle. C'est pourquoi il dit « Je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, car ce sont les arbres les plus hauts et les plus visibles. » De ce fait, lorsqu'il allait les crucifier au tronc des palmiers, n'importe qui pouvait les voir de loin très facilement. Et vous serez qui de nous a le châtiment le plus dur et le plus durable, c'est-à-dire dans ce bas-monde. Alors les magiciens rétorquèrent, par celui qui nous a créés. Nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Les magiciens reconnurent que la chose par laquelle est venu Moussa, alayhi salat wa salam, le bâton qui s'est transformé en un véritable serpent, et la main qui est sortie éclatante comme la lumière de la lune, n'était pas de la magie, n'était pas de la sorcellerie, était quelque chose qui était au-dessus de leur capacité. C'était un signe d'Allah, dont ils étaient incapables de reproduire. Et c'est pour ceci qu'ils ont été touchés, et qu'Allah, tabarak wa ta'ala, par cette cause, a rempli leur cœur de foi. Et lorsque le cœur est rempli de foi, le croyant ne craint personne, sauf son Seigneur. Alors ils ont dit, décide donc ce que tu veux. Fais ce que tu veux, ô Pharaon. Tu veux nous châtier, tu veux nous tuer, tu veux nous crucifier, tu veux que l'on soit un exemple pour ceux qui seraient tentés de nous suivre. Fais ce que tu veux. Fais ce qui est en ton pouvoir. Mais ton pouvoir ne se limite qu'à ce monde-là, à ce monde d'ici-bas. Mais une fois dans l'au-delà, nous serons auprès de celui à qui nous nous sommes soumis et dont nous avons suivi les messagers, c'est-à-dire Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala. Ils dirent, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et la récompense d'Allah est meilleure et plus durable. Sa récompense est meilleure que ce que tu nous as promis comme rapprochement et encouragement et fait miroiter. Et elle est plus durable que cette vie éphémère. Dans un autre verset, ils dirent, ce n'est pas grave, l'ardaïr, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Mais nous espérons vivement que notre Seigneur nous pardonne nos fautes, les péchés et les actes illicites pour avoir les premiers à croire, c'est-à-dire les premiers parmi les Coptes à croire en Moussa ou Harun. En réalité, ils espérèrent la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et son pardon pour tout ce qu'ils avaient fait auparavant comme péché et comme acte illicite. Et ils espérèrent cela car ils furent les premiers à croire au message de Moussa ou Harun. Alors que le peuple, même de Moussa et Harun, furent dubitatifs quant au signe qu'avait rapporté Moussa dans un premier temps. Ils dirent, ô Seigneur, accorde-nous l'endurance. C'est-à-dire, raffermez-nous dans le châtiment que nous inflige ce tyran entêté, ce dirigeant oppresseur et ce démon rebelle, et fais-nous mourir entièrement soumis. Ils lui dirent également, tout en l'exhortant et en lui faisant craindre le châtiment de son Seigneur le Très-Haut, quiconque vient en criminel à son Seigneur aura l'enfer comme récompense où il ne mourra et ne vivra pas. Prends donc garde d'être parmi eux. Quant à lui, il en fait partie, c'est-à-dire Pharaon, il en fait partie. Et quiconque vient à lui en croyant, en ayant accompli de bonnes actions, ceux-là auront les plus hauts rangs des jardins éternels, sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Telle est la récompense de ceux qui se purifient. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabarakata, conclut et dit, efforce-toi d'être parmi eux. Parmi ces gens-là qui se soumettent à Allah tabarakata et qui font preuve d'actes vertueux. Mais le destin ne peut être repoussé ou empêché. C'est le jugement du Très-Haut, l'immense, qui a décidé que Pharaon, qu'Allah le maudisse, fasse partie des gens de l'enfer, où il goûtera le châtiment douloureux, on versera sur lui du pu sur sa tête, et on lui dira sur le ton du reproche et du blâme, lui l'infâme, le blâmé et le maudit, « Zouq innaka antal azizul karim » Sourate 44, verset 49, goûte, toi qui prétends être le puissant, le noble. Toujours là, il sera l'humilié. Il apparaît, d'après le contexte des versets, que Pharaon les crucifia et les châtia réellement. Qu'Allah les agrée. Abdullah ibn Abbas, ainsi que Ubayd ibn Umair, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum, ont dit qu'au début du jour, ces hommes étaient des sorciers, acquis à la cause de Pharaon. Et à la tombée de la nuit, ils devinrent de nobles martyrs. Leurs propos confirment cela. Ô Seigneur, accorde-nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis à Allah. Tabaraka wa ta'ala. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.